de la poudre et chien des armes. Ce monde sale, la poudre parle et le ciel boude. Une lame de sky pour nos morts. Ceux que le sort poignarde, mon Dieu te garde. Je sais que papa nous regarde depuis les yeux. Depuis mes yeux, via ma bouche, lâche qui me touche. Dieu, je couche en face, monde vicieux pour ceux de ma couche. J'accouche chez moi seul dans ma putain de chambre. 2001, mardi le 11 septembre. Ok. Nom et surnom. L-I-N-O-D, monsieur okay. Putain de porte. Date de naissance 305-74. C-O-N-G-O, Braza, putain de ville, y'a pas de hasard. J'arrive en France en 75. Avec ton enfance, Bordeaux-Lyon, Bonne, j'grandis dans le 95. On m'écrit mon microphone, c'était en 95. Qu'est-ce qui t'inspire? La vie dans ce qu'elle a de meilleur et de pire. Mes frayeurs, le monde, la fumée que j'inspire. J'expire, j'suis pas un putain de player, j'aspire à autre chose. À quoi? M'arracher ailleurs, bâtir un empire. Avant que saute, investir. Dans le son, entre autres, faut dire dans ce biz, y'a un paquet de rageux, donc trop de mauvais payeurs. Pas des héros. Ali Mohamed, Malcolm le rouquin, des gars d'en dessous. Ton meilleur bouquin. L'art de la guerre de Sun Tzu. Aucun regret. Non, aucun, c'est peut-être un, mais j'ai du mal à m'en souvenir, j'devais être sous. Ok, de quoi on pourrait parler? Ah ouais, ton meilleur chanteur. La liste est longue, mais j'dirais Bob Marley pour être dans le chanson. La meilleure arme. Le savoir. C'est vrai, dans ce monde corrompu. Mais bon, un schlasson, un calibre, c'est pas mal non plus. Et la politique, un bon président, c'est un mort, y'a pas de miracle. Les gens se demandent pourquoi on a raté Chirac sur les champs. Ghetto star. Le label, ma clique, Villiers, le belle connexion. T'as connu de bons flics? Non, j'ai pas compris la question. Ok, y'a la fin, les moyens. Et le premier justifie l'autre, à rien. J'étais bon avant de toucher un stylo. Réponds, signalement, RSE et November, Inja Kilo. J'prends le beurre et son oseille, on sort du lot. Ma clique et moi, l'industrie prend peur. Du populo, j'suis la voix, ça pue le calibre en pleurs. Le bitume, ça filo, le beat. J'gille de l'espoir, nazique, j'm'accroche, sors le Tosma. J'ai mis un blast sur tes cauchemars. Ton navire on s'en branle, nous on navigue dans nos troubles. C'est pas du Rembrandt, nos graphes souvent nos chemins mènent au trou. Trop souvent même, ils disent les frades. Ça fait danser ou ça blesse, loin du pige. Mais va comme François Baisse, si tu piges. La concurrence, la baisse, ton territoire. C'est où j'pisse sur la Bresse, danse. Ton premier texte, c'était à 12 piges. Ton meilleur MC, Nas, meilleur album rap. Filmatique et chronique de Drake. Le son de la basse, de force et de grès. Ta devise, qui tu pars en force, ta carrosserie. Toi de quoi tu parles? Pijac renforce ma carrosserie. Toi le rap c'est les cordes vocales. La bouche du ghetto. Je le dis au cas où ils auraient oublié une fois Pléto. Crois pas ta fouf quand elle prétend plus rappeler le nom de mon gang. Mais surtout crois la si elle dit qu'elle avait sur le bout de la langue. La misère, ça pousse le taux de criminalité. Ça te fait pas d'amis mais des ennemis de meilleure qualité. Le succès, m'en tape, j'suis le même homme. Speaky de shit, des rimes atomiques. Une prod gonflée à l'uranium enrichi. Ouais j'ai saisi des meilleurs films. Casino, la cité de Dieu. Batman au Brésil, Snatch et tous les Tarantino. John Boo le killer. Toutes les bombes de Hong Kong. Le mot de la fin. Le jeu de début. Ok mec, moi j'ai mon compte.